j'ai rayé les pages de ce carnet. Au stylo à billes pour changer de ville, j'ai dû le remplacer, mais c'était bondé. Pas trop déménagé, faut pouvoir gommer. Que j'écrive à la craie, au crayon à papier. Les déménagements ont eu lieu si souvent qu'ils ont mis en stress mon carnet d'adresse. Qu'ils ont mis en stress mon carnet d'adresse. Rythme saccadé de téléménagement, j'ai lutté pour trouver des accords sonores. Toujours bien concentré, j'écoutais tes chansons, ta voix qui s'envolait vers d'autres horizons. Tu avais le bon rythme, mais il manquait le ton. T'avais beau essayer, t'étais pas Céline Dion. Bien indifférent à ces manquements, la musique a suivi. Et déménagement, on s'est pris pour des grands du côté d'Orléans. On n'a pas eu d'éloge à Fayolloge. On a fait des merveilles à Estivareil. Se prenant un revers du côté de Nevers. Être pris pour des gens dont c'était à Montluçon. Fait quelques chansons d'approche de Cergy-Pontoise. Chez le beau triple sec, un soir à Noisy-le-Sec. Pas très loin d'être des as en composant à l'axe. Maintenant on est bon depuis que t'es à Pouillon. Pour qu'on devienne des stars, faut que tu partes à Colmar. Habiter l'ouest du pays, faudrait que tu penses à l'est aussi. Et aussi loin que tu seras parti, toujours au reste.